15 minutes, vendredi 7 juillet 2017. Et c'est actuellement Nuisance qui commence. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. L'émission de tous les non-sens. L'émission du non-sens. Nuisance. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Une adresse, le 40 rue Alfred Duméril, 31400, Toulouse, en France. Nous sommes tous des malvenus. Whereabouts and the meaning, total inhibited actions. And there's a nowhere where about to go stay the livers of jointed steel plugs. Words don't mean quite so much anymore. Taillé dans les herses non obturantes mais lassées des convenants comptes, convenablement étiolées par figure de désinvolte démaniérance, toutes de travers pendant que d'unes à deux inconvenantes assemblées. Nomenclature, les cagettes superficielles de non-superflu entité substantialiste, pardon, née d'un homard sec et d'une gringalette autruche, les averses, tribulatoires impressions. Ne négocie pas, non, non. I'm dead again. Shit. Where the registering sort of breaks up, the whole feathery weight up and away, but the whole unsubstantialities throughout structures of disassembling, rumbling of things. Stuffings out, out, and here are out, where here is the angular perspectivity of dementia. Point of view, Father said. Perspective goals are just fair and square, wannabeings here, there, now, then. Je ne suis pas moi, car confuse idée que cette illusoire image de moi qui est une iconographie approximative d'un non-être. Donc, que je ne sois que ce que je ne puis voir d'un soi qui formait et auto-déformant pour reformer puis encore, c'est ça le noyau du monde humain, ça, l'inadvertance, toute naturelle, l'infaillible, medium operandi. À ne pas confondre avec un général. Méduse tendue vers le haut, tout relatif, montant du bas. Et je n'ai encore pas rien, mais pas tout non plus dit ou à dire non plus. D'ailleurs, à ici divers et variés, à silence insondable de l'élimination exterminatrice d'imaginaire, les gauches trivialités sont ce qu'elles ne semblent pas être, mais plutôt gravité indescriptible de l'ignorante, inutile action débilitante. dire. Ce qui reste dans l'obscur. Ce dire ne suffit plus à l'inadvertance. Pourtant, une réaction nomenclaturante, toujours casante, une jubilatoire incantation. Oraison que ce funeste là, oraison que ces funestes là, qui demeurent. Seen the dislodgement? It's not logical. You cannot find what you're not looking for. That's logical. You can only find what you're looking for. That's what we're talking about, what we're looking for. And we're looking for it, you know? It. And that's what we're gonna find. We're gonna find it. We're gonna find it. The shit, you know? Thank you. like to say, there's nothing to be told about nothing, and it's always the same thing, you know. It's never gonna change. Yeah. Je voulais juste dire que c'est un peu presque tout le temps la même chose, et que on se rend compte de rien tout en faisant rien de très important, je veux dire. Et donc ça change pas vraiment les choses, quoi. Et c'est tout le temps pareil. Voilà. Et aussi, il y a plein d'autres trucs à dire et qu'il faut parler, quoi. C'est important. Et aussi, papa, maman, ben, vous savez, quoi. Et aussi, merci. Beaucoup. À vous de supporter cette merde. Passez une bonne soirée. Sur Canal Sud, dans Nuisance, émission qui nuit au sens. L'ambiance est démentielle ce soir dans Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM. Tout le monde est fou de joie, tout le monde est heureux, tout le monde doit mourir. Bienvenue. Joyeux la vie, hein. On est heureux, hein. Hein, c'est bien de vivre, hein. Hein, c'est bien. Hein, c'est bien de vivre. Vivre, c'est bon, hein, c'est bon. Ah ouais, hein, prend son pied là. On aime bien vivre. On aime bien. Ah ouais, on aime bien ça. Ah, ça, c'est bon ça. Ah ouais, je préfère mourir. Mourir, c'est mieux. schizo, ils sont parano. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rano. Ils sont plutôt irascibles, irrévérencieux, versatiles, en dents de scie. C'est des serpents venimeux qu'il ne faut pas éliminer à la racine. Parce que le serpent, c'est la racine. Les schizos, c'est la racine de nous. La schizophrénie, c'est ça qu'il faut cultiver chez nous. Ça rend de nous tous, on est tous de nous des uniques. Et c'est beau. Parce qu'en fait, le monde, il est pas beau. Il est laid, le monde. Et nous, les humains, on schlingue. Alors on se dit qu'on vaut le coup, qu'on est comme des dieux ou des machins supérieurs. Et en fait, on n'est que des reflets, des pâles reflets d'une imaginaire incantatoire, débilitante réaction à l'adversité qu'est la vie. Et on souffre, mais en criant. Ah ! On crie parce qu'on souffre. Et on s'exprime en souffrant le magnanime, la munificence, le sublime. Et toujours cette débilitance, cette stupidité, cette bêtise. L'on peut qualifier d'humaine, car humaniste, l'on ne l'est pas, l'on le naît. Pfff. Humain. Mais on peut peut-être le devenir aussi en choisissant de se laisser libre ou de mourir. Le choix est là. Canal Sud, 92.2 FM ou www.canalsud.net. Une adresse, le 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, en France. Un téléphone, le 05 61 53 36 95. Nuisance. figure B1. Tu veux le goût pastèque? Tu veux le goût pastèque, c'est ça, hein? Eh ben non, pas de steak ce soir. Ce soir, tu manges de la merde. Du caca. Exercice de casse claire numéro 4. 4. Le concept de l'émission de ce soir, c'est qu'on vous fait chier, comme d'habitude, nuisance, c'est là pour vous faire chier. Sur Canal Sud, qui est plutôt une bonne radio, 92.2 FM ou canalsud.net. Et ce, jusqu'à pas tard dans la soirée, parce que j'en aurais vite marre, moi aussi, d'être aussi pénible. Man. Agagouk. Flabalabalab. Have you heard? Someone is speaking about nothing tonight. Quelque chose parle de rien ce soir, à vous, qui n'êtes rien non plus, que quelque chose, je veux dire. Oui? Qu'y a-t-il? Non, rien. Je sais. C'est toujours la même chose avec vous. Vous ne me dites jamais rien. Et pendant ce temps-là, je déblatère des âneries. Toute la bonne soirée que nous passons ensemble, le vendredi de 21h à 23h, nuisance. Thank you. D'accord. Tu sais, ah merde, attends, on passe à la radio là, ça attend, je vais éteindre le micro. Tu peux me parler maintenant. Alors, qu'est-ce qui t'a fatigué aujourd'hui? Chiant, il est chiant ce mec, hein. Ouais, connard, bibine, paye ta bibine, hein. Ouais, t'as un problème avec ça, au bout du fil, au bout de l'antenne, hein. Téléphone 0561 53 36 95, viens me le dire si t'oses, et je vais te passer à l'antenne. On va voir si monsieur et madame, hein, tout de suite, ils ont des trucs à dire, hein, bah voilà, dites-le, antenne ouverte, allez, 05 61 53 36 95, dites-nous que ça vous fait chier, qu'on fait que de la merde, hein, dans nuisance. Vous voyez ce que je veux dire? J'oserais pas. Merde, ça y est, monsieur va encore faire des boucles incantatoires toute la sainte journée, enfin je veux dire soirée quoi. Et merde, ça se répète tout le temps, c'est chiant, tout c'est nuisant, c'est vraiment de la merde. On s'encule même, il est 10h, on peut dire ce qu'on veut maintenant, on s'emmerde. La vie c'est à mourir en fait, la vie c'est mourir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est mourir en fait, la vie c'est mourir. La vie c'est mourir. Ouais, c'est ça. C'est mourir en fait, la vie c'est mourir. La vie c'est mourir. Ouais, c'est ça. C'est mourir, en fait, la vie c'est mourir. La vie c'est mourir. Ouais, ça commence aujourd'hui le 7. La vie c'est mourir. Résistance. Ça commence aujourd'hui le 7. La vie c'est mourir. Résistance. Résistance. Ça commence aujourd'hui le 7. Résistance. Ça commence aujourd'hui le 7. Je voudrais remercier Jawasta, je voudrais remercier Lesia CI, je voudrais remercier Dieu, je voudrais remercier mon papa, ma maman, surtout, et aussi mes frères et mes sœurs humains, ouais, je voudrais les remercier vraiment d'être là, et moi je me remercie, ouais, on se remercie tous, allez, ah ouais, je te remercie toi aussi bébé, ouais, on se remercie, c'est bon ça de se remercier, hein, c'est bon, hein, t'aimes bien me remercier, hein, vas-y remercie-moi. Merci, hein, c'est bon. actuellement une œuvre qui s'intitule Mourir de Al. Allah, tout court. Cette œuvre, donc intitulée Mourir, traite d'un sujet pas sans gravité. Hein, celui de la vie, oui, en fait. Il s'appelle Mourir, mais il traite de la vie, oui. Le problème étant que. Nous n'avons pas grand chose à dire à part cela, alors nous allons combler avec des régurgitations. Des exercices de respiration. Oui, donc nous y sommes, ça y est, nous sommes en présence de la nomenclature. Il ne faut pas tergiverser, il faut le dire. Les cases, oui, nous casons les choses là où elles doivent, où elles nous paraissent devoir être. Nous sommes ainsi faits, les humains, qu'à nous synthétiser la chose en devient synthétique pour nous. Et donc, on est bientôt foutus de fermer notre gueule, tous les 5 jours de merde, à se tordre dans toutes les chevilles, les chevillères et l'abominette chera. Ainsi, un incantatoire, comme je dis, débilitant, conte, par exemple, ou une comtesse, tiens, nous raconte, encore une racontesse, une tasse qui danse avec une théière, ah c'est beau, une bête, une belle, oh que ça tourne, oh que c'est en 3D, c'est en 3 dimensions, on en a plein les oreilles, et plein les feuilles, et plein les yeux, et les écarlates rouges, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que ça commence à saigner, donc le noir arrive en douceur pour nous faire apparaître donc la lumière. La lumière est de celle de donc nous écoutons l'œuvre actuellement de Allah. Elle s'intitule Mourir, donc elle traite de la vie, dans tous ses débilitants et incantatoires nomenclaturants adverses territoires, devrais-je dire. Tout cela en nuisant, donc, car nous sommes dans nuisance. Nous sommes dans nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM, comme tous les vendredis de 21h à 23h. Téléphone le 05 71 53 75. Le site internet www.lafréquence92.2MHz sur la région toulousaine et dans ses environs. Que dire de moins? Je ne sais pas, peut-être me taire? Non, pourquoi nous taire après tout? Non, il ne se tait point. Le vrai ne se tait point, ouais. Pouf, ouais. Alors je continue à dire de la merde. Bienvenue, nous sommes tous des malvenus dans nuisance. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous et toutes les malvenus. Nous sommes tous et toutes les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Les malvenus. Nous sommes tous et toutes. Les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Les malvenus. Nous sommes tous et toutes les malvenus. Nous sommes tous les malvenus et tous. Tous et toutes les malvenus. Nous sommes tous les malvenus et tous. Tous et toutes les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Malvenus. Tous. Tous et toutes les malvenus. Nous sommes tous malvenus. Tous. Tous et toutes. Nous sommes tous malvenus. Tous. Tous et toutes. Nous sommes tous. Rire, la nouvelle boisson. Rire, la nouvelle boisson. Rire, la nouvelle boisson. Au poisson. Rire, la nouvelle boisson. Au poisson. Rire, la nouvelle boisson. Au poisson. Rire, la nouvelle boisson. Au poisson. Ciel. Pur vers un ciel. Pur vers un ciel. Pur poisson au poisson. Mourir, nouvelle poisson au poisson. Mourir, nouvelle poisson au poisson. Mourir, nouvelle poisson au poisson. Mourir, nouvelle poisson au poisson. Mourir. Mourir. Mourir. Au poisson. Mourir. Au poisson. Mourir. Au poisson. Mourir. Au poisson. Mourir, la nouvelle boisson au poisson. Au poisson. Mourir, la nouvelle boisson au poisson. Au poisson. Mourir, la nouvelle boisson au poisson. Kayak, fuck démangeaison, fuck démesure, fuck merde, fuck le caca, fuck le prout, fuck le pipi, fuck you, fuck me, fuck toi aussi, et fuck, surtout fuckons, fuckons tous, fuckons toutes, fuckons pour, fuckons contre, fuckons, fuckons comme la merde qui fait qualité, toujours la même chose, al et alité, et ils se demandent s'ils rêvent du papillon ou du poisson à la boisson mourir. Fuck, cheval, fuck, réunion, fuck, ours, fuck, fuck, fuck, tabernacle, fuck, revolver, fuck, reconduction, fuck, wagon, fuck, zouave, fuck, stable, fuck, aliforme, fuck, péroraison, fuck, impatience, fuck, fioriture. Fuck, dichotomie. Fuck, confirmation. Fuck, assemblage. Fuck, refermé. Fuck, tocaille. Fuck, présage. Fuck, gentillesse. Fuck, carriérisme. Fuck, compactage. Fuck, akinésie. Fuck, boa. Fuck, 19e. Fuck, litron. Fuck, étarqué. Fuck, compliqué. Fuck, atmosphère. Fuck, accroche. Fuck, manifestation. Fuck, formule. Fuck, glacial. Fuck, tyran. Fuck, tropique. Fuck, zoonose. Fuck, salade. Fuck, raliforme. Fuck, forme. Fuck, forfait. Fuck, conséquence. Fuck, timbre. Fuck, tortue. Fuck, exercice. Fuck, excipient. Fuck, vérité. Fuck, viol. Fuck, apologie. Fuck, excuse. Fuck, réserve. Fuck, bien. Fuck, mal. Fuck, noir. Fuck, clair. Fuck, moine. Fuck, tout. Fuck, incruste. Fuck, bougie. Fuck, idole. Fuck, icône. Fuck, aversion. Fuck, horreur. Fuck, image. Fuck, entourage. Fuck, liberté. Fuck France. Fuck eau. Fuck espoir. Fuck anthologie. Fuck renoncement. Fuck vie. Fuck voiture. Fuck amour. Fuck toi. Fuck ciel. Fuck rivière. Fuck fourmi. Fuck mur. Fuck contemplation. Fuck prière. Fuck blouson. Fuck capuche. Fuck chaussures. Fuck carrelage. Fuck fenêtre. Fuck porte. Fuck boulon. Fuck basalte. Fuck vent. Fuck rivière. Fuck blé. Fuck thune. Fuck équilibre. Fuck plan. Fuck esprit. Fuck ambiance. Fuck vibe. Fuck joint. Fuck shit. Fuck musique. Fuck nuage. Fuck vitesse. Fuck endroit. Fuck revers. Fuck temps. Fuck plaisir. Fuck avec. Fuck lacet. Fuck sachet. Fuck association. Fuck idée. Fuck terre. Fuck lumière. Fuck absence. Fuck musique. Fuck merde. Fuck autre. Fuck nous. Fuck passion. Fuck l'éducation. Fuck amour. Fuck no. Fuck solitude. Fuck affection. Fuck speed. Fuck stress. Fuck bisous. Fuck fuck. Fuck baiser. Fuck faire. Fuck être. Fuck avoir. Fuck stylo. Fuck style. Fuck stylé. Stylo. Fuck tir. Style. Fuck mèche. Stylé. Fuck punchy. Fuck fuck mouche. Mèche. Fuck fuck affaire. Fuck fuck bourdon. Mouche. Fuck fuck colon. Fuck fuck duvet. Bourdon. Fuck falafel. Fuck fuck latin duvet. Fuck falafel. Fuck shawarma. Fuck kebab. Fuck sandwich au poulet. Fuck kebab mexicaine. Fuck du pizza à la crème. Fuck kebab croque monsieur. Fuck du pizza à la démangeaison. Fuck merde à transgisance. Ce jour débilatatoire. Incantatoire tribulation. Déambulance non nomenclaturée. Virante. Déambulance rentier. Non nomenclaturée. De merde. Virante. Sans cul. De merde. Sans cul. c'est quoi cette ambiance? Elle est lubrique, c'est vraiment complètement dégueulasse de faire des choses pareilles. Alors que les gens, ils essaient d'écouter des trucs plutôt passionnels. On écoute des musiques de films pornographiques, c'est dégueulasse. Fuck.

fuck Dessert, fuck Gamel, fuck Mosaïque, fuck Paralyse, fuck Ramonteur, fuck Statue, fuck Guérin, fuck Squatter, fuck Panthéon, fuck Initiation, fuck Éthore, fuck Commandement, fuck Avocat, fuck Agression, fuck Conjugal, fuck Blues, fuck Énervation, fuck Impeccable, fuck Interrogation, fuck Encadrement, fuck Cire, fuck Très Salé, fuck Tiramisu, fuck Pinceau, fuck Vanité, fuck Tranchant, fuck Somme, fuck fuck Crampon, fuck Évocateur, fuck Écurie, fuck Référendum, fuck Tif, fuck Tif, fuck Enzyme, fuck Dégourdi, fuck Guest, fuck Assemblage, fuck Albatros, fuck Quoi, fuck Hallucinose, fuck Médaille, fuck Kayak, fuck Plante, fuck Saponique, fuck Courbature, fuck Cicéron, fuck Bouquet, fuck Aspirobatteur, fuck Permanent, fuck Multitâche, fuck Mélodie, fuck Initiative, fuck Embrayage, fuck Pascal, fuck Tuyau Température, fuck Total, fuck Cheval, fuck Préjudice, fuck Ours, fuck Touche, fuck Tabernacle, fuck Revolver, fuck Reconduction, fuck Dragon, fuck Joie, fuck Sable, fuck Aliforme, fuck Péroraison, fuck Impatience, fuck Fioriture, fuck Dichotomie, fuck Confirmation, fuck Assemblage, fuck Refermé, fuck Tokai, fuck Posage, fuck Gentillesse, fuck Carriérisme, fuck Compactage, fuck Acronyme, fuck Boa, fuck 19ème, fuck Luton, fuck Étarqué, fuck Compliqué, fuck Atmosphère, fuck Approche, fuck Manifestation, fuck Formule, fuck Glacial, fuck Tyran, fuck Tropique, fuck Zoonèse, fuck Salade, fuck Raliforme, fuck Forme, fuck Forfait, fuck Conséquence, fuck Fin, fuck Tortue, fuck Exercice, fuck Excitement, fuck Vérité, fuck Viol, fuck Apologie, fuck Excuse, fuck Rêveur, fuck Bien, fuck Mal, fuck Noir, fuck Pierre, fuck Moi, fuck Tout, fuck Incrus, fuck Bougie, fuck Idole, fuck Icône, fuck Aversion, fuck Horreur, fuck Image, fuck Entourage, fuck Liberté, fuck France, fuck Eau, fuck Espoir, fuck Anthologie, fuck Renaissance, fuck Vie, fuck Voiture, fuck Amour, fuck Toi, fuck Ciel, fuck Rivière, fuck Tournée, fuck Mur, fuck Contemplation, fuck Tilleur, fuck Mouvement, fuck Capuche, fuck Chaussure, fuck Carrelage, fuck Fenêtre, fuck Porte, fuck Ouvre, fuck Bazar, fuck Vent, Fuck la rivière. Fuck les. Fuck tu. Fuck l'équilibre. Fuck plan. Fuck esprit. Fuck ambiance. Fuck vibe. Fuck nom. Fuck chute. Fuck musique. Fuck image. Fuck vitesse. Fuck endroit. Fuck revers. Fuck temps. Fuck plaisir. Fuck avec. Fuck passé. Fuck caché. Fuck association. Fuck idée. Fuck proche. Fuck musique. Fuck absent. Fuck musique. Fuck air. Fuck hop. Fuck moon. Fuck passion. Fuck méditation. Fuck amour. Fuck mot. Fuck solitude. Fuck affection. Fuck speed. Fuck stress. Fuck disease. Fuck fuck. Fuck bobo. Fuck fuck. Fuck être. Fuck avoir. Fuck stylé. Fuck stylé. Fuck stylé. Fuck stylé. Fuck mèche. Fuck mèche. Fuck bouche. Fuck bavard. Fuck bourbon. Fuck colon. Fuck duvet. Fuck matelas. Fuck bâton. Fuck immédiatement. Fuck fond. Fuck cœur. Fuck bar. Fuck entrave. Fuck se battre. Fuck se forcer. Fuck cœur. Fuck apothéose. Fuck acting. Fuck tic. Fuck bouc. Fuck étang. Fuck cheveux. Fuck chair. Fuck sang. Fuck os. Fuck peau. Fuck violence. Fuck viol. Fuck talent. Fuck marais. Fuck blues. Fuck champignon. Fuck vin. Fuck vampire. Fuck chrysanthème. Fuck cimetière. Fuck morbidité. Fuck divinité. Fuck beauté. Fuck laideur. Fuck saleté. Fuck impeccabilité. Fuck transparence. Fuck question. Fuck pause. Fuck ombre. Fuck doudou. Fuck sacré. Fuck club. Fuck addiction. Fuck diamant. Fuck laser. Fuck compatible. Fuck Sony. Fuck technologie. Fuck fonctionnement. Fuck subjectivité. Fuck spatialité. We'll be right back. blablabla, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, blablabla, blablabla, nuisance, comme tous les vendredis de 21h à 23h, tiens, blablabla, blablabla, blablabla, nuisance. Toujours la même histoire, abréviation après abréviation, juste au cas où ça me parle, comme une écrevisse qui saigne, du sang rouge, comme rouge, rouge à lèvres, comme rouge, rouge sang, qui rose bonbon et qui trace, et que tergiverse, encore la soi-disant âme des choses, genre l'âme suprême ou une connerie dans le genre, genre je bigle total, total je bigle genre total, je gicle en pensant à Claudia, Schiffer bien sûr, oh non, je fais une putain de diffamation, rien qu'en citant son nom à la Claudia, et ça craque en haut, et ça craque en bas, et ça craque tout partout, c'est ça la vie, et c'est ça qui est bien avec elle, c'est que ça craque partout, tout partout, avec partout des glaires, de pustule genre, moi, pour pas choquer, pustulant anonyme, ouais ouais, pour pas choquer, pustulant anonyme, comme dans Anonyme, la terreur soudaine et subite, je pense à rien. Thank you. venez d'entendre l'opus 24 DI de merde fait par Hal en 2007. On va écouter un autre morceau maintenant, celui qui parle de merde et de mourir aussi. C'est sur Nuisance, hein, donc vous êtes tous les malvenus, nous aussi. L'on est les malvenus et je suis le malvenu. Tu es le malvenu, il, elle, on est le malvenu. Nous sommes les malvenus, vous êtes les malvenus, ils, elles sont les malvenus. Nous sommes les malvenus, ils, elles, on est les malvenus, je suis le malvenu, vous êtes les malvenus. Dans Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. On peut écouter la variation 24 en bémol. Si majeur 7, 92 C, 56 alinéa 25 B, 12, 45, page 54 à 52 de l'opus KBMW, KBMW, 45, 7, 6 C, 12, 24 A, moins Z, Y, X, page 22 alinéa B, tiré 57, de l'œuvre de Hal, Allah. Ou Halal, ou Hal, dans Nuisance, toujours pareil, quoi, sur Canal Sud. C'est pas possible quoi, c'est quoi ces missions de merde? On se fait chier, merde! Putain, mais c'est pas possible quoi, c'est quoi ces missions de merde? On se fait chier, c'est la vie, c'est de la merde! On se fait chier, c'est la vie, c'est de la merde! On se fait chier, c'est la vie, c'est de la merde! Alors en tous nous faire enculer! Ouais! Toujours, toi et moi, en enfer, pour toujours, toi et moi, en enfer, pour toujours, toi et moi, en enfer, enfer, toi et moi, en enfer, pour toujours, en enfer. Pour toujours en enfer. Toi et moi, pour toujours en enfer. Toi et moi, pour toujours en enfer. Toi et moi. Pour toujours. Pour toujours en enfer, toi et moi. Enfer. Toi et moi. Pour toujours. Enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Nous sommes en enfer. Toi et moi. Tu vois quoi à partir d'autre? Tu t'entends mal, hein? T'es sourd, on sent des sourds. On sent le chanson. Ouais, ouais, j'ai mis le micro plus sourd. Ah, c'est pour ça. Tu mets des aigus là, tu t'entends? Je t'entends vraiment pas. T'arrives pas à ce que t'as baissé? En fait, il y a plus d'aigus là. T'as coupé les. C'est sonorisé, sinon gare à ça. Je te prends par tous les coins, coins, coire. Je suis un coire d'eau, je suis un téméraire d'air. Un temps passé à tergiverser, à étaler sa merde en public, pubis puant, putride, purulent, pestilentiel, ciel, ma femme est morte, tant d'atroces souffrances, rien à foutre, des atroces souffrances d'une femme, même de ma précieuse femme à moi, moi tout seul, je suis le seul à la tirer, dans tous les coins, faire arracher, le pire reste à venir. Je m'excite le crâne des fois tout bouleverse, tout. Non, je ne vois pas d'issue. Non. non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, tout, tout, non, je ne vois non, l'inspiration, je refuse. Je refuse d'être inspiré. Quoique, quoique. Cloaque puant, je suis. Je suis dans un cloaque pestilentiel. Et j'omnubile mon espace corporel, comme dans son port. Ou porte tabulaire. Tabernacle. Non, pas par là. Plutôt par ici. Ouais, ici même. Même que ici. Même que maintenant, présentement, présent, corporellement, allemand. Je décide. Et m'ôte de mon indécision. La façon est dans la voix. L'être est là. Et tu es aussi cela, bien sûr. Sale Schrevarta. Sale petit con. Petit atypique de merde, espèce de chatte, gouffre puant, dégoulinant, déroutant et dégoûtant, sympa le cum avec sa dard, avec son dard pestilentiel, orné de pustules, gerbante comme les poils, partout des poils, une forêt de pestilentiels poils, de bites, de chattes et de cul. Je sais pas à quoi ça sert, ça fait chier, plus qu'autre chose, ça colle et ça fait des petits bouts de chou vert, ou blanc, ou violet, ou rouge, ou bleu, ou jaune, ou noir. Vous savez quoi, nuisance, ça a commencé à 21h et 15 minutes, et ben ce soir ça décide de pas durer 2h, c'est comme ça, c'est révolutionnaire, nuisance, et ben ça, ça s'emmerde soi-même, et ça va s'arrêter dans pas longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça. Vous écoutez Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, téléphone le 05 61 53 36 95, comme tout le vendredi de 21h à 23h. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. Merci beaucoup pour cet entrain. Je vous sens avec moi. Nous sommes ensemble, unis. Pour l'éternité. Nous sommes ensemble. Et dans l'éternité, amen. Unis pour l'éternité.